Amis humains, bonjour. Amis policiers, pourquoi t'étonnes-tu? La population manifeste contre un pouvoir irrespectueux, traître, menteur, falsificateur, destructeur. Tu protestes parce que tu t'en prends plein la gueule. Mais comprends-tu pourquoi? Réfléchis un peu. Arrête de limiter ta vision du pays en deçà de ton bouclier et regarde au-delà. Regarde ce qui se passe dans ton pays. Tu te costumes comme Robocop pourquoi? Pour protéger la population de la violence politique, économique, sociale et des insultes qu'elle subit depuis des dizaines d'années de la part des politiciens véreux. Ou n'est-ce pas plutôt pour protéger ses dirigeants corrompus de la colère des citoyens? Un de vos représentants a répondu à cette question, à la télévision, « Nous protégeons en priorité les personnalités et les bâtiments publics et, ensuite, la population. Mais nous manquons de ressources. C'est clair ? La protection de la population n'est plus votre mission aujourd'hui. Qui avez-vous devant vous ? Des voyous ou des citoyens qui n'en peuvent plus de la corruption des élites ? Des retraités ? À 60 ans, on ne fait plus le coup de poing, couac, mais on est encore capable d'être en colère. Et ils le sont tous, en colère, les retraités car ils sont méprisés et appauvris. Des salariés. Quand on est employé par épisode et avec le salaire le plus bas possible payé avec un élastique, et qu'on veut encore réduire alors que d'autres se gavent par millions de leur travail, quand on a un CAP, un DUT et qu'on est mis en concurrence avec des étrangers peu formés payés 400 euros, quand des actionnaires qui veulent gagner toujours plus ferment l'usine parce que la main d'œuvre est moins chère ailleurs et que l'on se retrouve plongé dans la misère et le malheur, on est en colère. Des chômeurs. Quand on est rejeté et ignoré pendant des années, qu'on voit les emplois qu'on pourrait avoir sont occupés par des étrangers peu payés, la moutarde finit par monter au nez, tu ne crois pas. Quand on est étudiant et même lycéen et qu'on voit détruire son avenir par l'anéantissement des garanties sociales pour lesquelles ses parents et ses grands-parents se sont battus, on se sent insulté et jeté dans la précarité et l'incertitude. Et ces jeunes, que tu appelles casseurs, ont aussi des parents et des grands-parents qu'ils voient galérer et en colère. Et eux ne transigent pas. Ils sont purs et impatients, l'injustice les irrite plus que les gens ayant un peu de bouteille qui, eux, temporisent, mais pour combien de temps encore? La vérité sort de la bouche des enfants, dit-on. Les enfants du fonctionnaire sans souci que tu es, voient que tu matraques leurs copains dont ils partagent le point de vue. Et les brutalités sans justification de tes collègues comme le coup de poing en pleine figure d'un étudiant ou la bastonnade de manifestants à terre par plusieurs policiers, c'est comme si tu l'avais fait toi-même dans son esprit. Pour la population, c'est le geste de tous les policiers. Les citoyens, jeunes, moins jeunes ou âgés, hommes, femmes, se disent que, s'ils protestent aussi, ils auront droit à la même violence de ta part. Après la violence quotidienne du pouvoir, le peuple aura droit à la tienne s'il ne la ferme pas. Si le pays était vraiment pauvre, les citoyens pourraient se dire qu'il faut faire le gros dos et travailler dur pour que cela aille mieux. Mais le pays est de plus en plus riche chaque année, mais sa richesse est confisquée par le pouvoir qui vous téléguide contre ceux qui protestent parce qu'ils ne reçoivent rien en échange de leurs sacrifices. Quand on voit qu'on brade nos richesses et qu'elles partent toutes dans les poches de quelques-uns, copains de nos dirigeants, que nos savoir-faire sont méprisés, qu'on détruit nos institutions, nos coutumes, nos moyens de créer de la richesse, on est en colère. Des casseurs ? Il y en a peu, mais si vous ne voyez pas plus loin que ça, vous allez vite comprendre, toute la population française est en colère. Et une colère noire. À part les riches actionnaires qui exigent toujours plus et des rapports à deux chiffres, les patrons qui se gavent et qui ne distribuent pas le fruit du travail de leurs salariés qu'ils pressurent au maximum, tout le monde est en colère. Tout pour ma gueule et rien ou le moins possible pour les autres. C'est la règle désormais. Voyez mes deux fées compagnie. Eux sont contents de voir qu'il y a des miliciens comme toi, qui ne sont pas payés par eux mais par ceux qu'ils maltraitent, qui défendent leurs intérêts en tentant de contenir, voire de mater, la colère de leurs victimes économiques. Ce n'est pas eux qui prennent les pavés sur la gueule mais toi. Ils encaissent les sous et toi les coups. et ton arrogance héritée de ces princes de la magouille que tu défends, te laisses-tu écouter quand tu parles aux citoyens, pas aimable, ton péremptoire, pas d'écoute, quand ce n'est pas tracasserie irrespectueuse voire insulte et brutalité injustifiée. Ce n'est pas le cas de vous tous mais bon nombre parmi vous ne se sentent plus et croient qu'être policier leur donne tous les droits. Faites le ménage, débarrassez-vous des brebis galeuses ou remettez les opas et vous serez sans doute mieux considérés ensuite. Et ne manifestez plus jamais quand on poursuit certains d'entre vous, des ripoux, des menteurs, des parjures et des auteurs de bavures, cela fait mal aux citoyens à qui vous faites la leçon quand ils dépassent de 2 km/h la vitesse limite. Le feu de paille de la reconnaissance envers vous de quelques sujets émotionnés pris de sensiblerie après les attentats ne cache pas votre incapacité à faire le travail pour lequel la population vous paie. Vous savez arriver à 15 voitures toutes sirènes hurlantes pour constater les dégâts après une agression. Mais où étiez-vous juste avant? Dans les rues à patrouiller à pied pour veiller à ce que tout se passe bien. Non. Vous ignorez la population et vous protestez parce que vous ne supportez pas qu'elle vous le reproche. Mais pour qui vous prenez-vous? La population n'est au service de personne. C'est vous qui êtes au sien. Le gaz lacrymogène peut rendre aveugle et provoquer des handicaps respiratoires définitifs et vous l'utilisez à bout portant, en pleine figure même contre des citoyens non violents. Le flashball est gravement invalidant, la preuve n'est plus à faire et vous ne l'utilisez pas seulement en défense. Le taser peut tuer. Et ta tenue, tu te laisses regarder dans une glace. Te prends-tu pour Rambo? Tu t'adresses chaque jour à la population paisible dans un costume de commando prêt à en découdre, matraque, menottes, pistolet, flashball, taser, tout ça bien visible, signifiant à tout un chacun et attention, fermez-la et tenez-vous bien tranquille. Crois-tu que cela met la population à l'aise? Si tu protèges la caste corrompue au pouvoir contre les protestations de la population, il n'est nul besoin d'être devin pour imaginer que tu t'en prendras plein la gueule encore et toujours plus car la colère des citoyens monte, monte. Réfléchis à ça car c'est une évolution inévitable si la situation perdure. Les témoignages de policiers effarés de la violence qu'ils subissent aujourd'hui montrent bien que vous aussi vous vivez dans un autre monde que la population. Beaucoup d'observateurs qu'on ne peut pas accuser d'être des agitateurs disent qu'on se dirige vers une guerre civile, en France. Tu te rends compte? Une guerre civile chez nous. Alors vous ne ferez pas le poids face à une population en colère, malgré vos costumes de tortue ninja, vos gaz, vos flashballs, vos tasers, vos grenades et même vos pistolets et vos fusils. Et plus vous frapperez la population, plus vous la mettrez en colère. C'est déjà ce qui se passe, vous la mettez en colère par votre absence auprès d'elle et, quand vous allez à son contact, par votre comportement irrespectueux et violent. Amis policiers. Enfin, ami, le es-tu encore? Ta motivation en entrant dans la police était de servir et protéger la population. Et que fais-tu aujourd'hui? Tu gazes des gens qui manifestent pacifiquement. Tu agaces voire provoques les gens paisibles pour les pousser à la faute, sur ordre pour justifier la répression à moins que ce ne soit juste pour remplir le quota mensuel. Tu es manipulé par des dictateurs qui se servent de toi pour protéger leurs prés carrés, leurs rentes de fonction et leurs concussions. N'as-tu pas l'impression de te transformer petit à petit de policier en milicien de la caste dirigeante? Arrête de te plaindre et fais ton boulot, le vrai, le propre, celui que tu es censé faire pour le bien-être de la population. Ce que tu recevras alors ne sera plus des projectiles et des insultes mais des remerciements sincères et durables non issus d'une sensiblerie de réaction émotionnelle d'une population qui a eu peur parce que tu n'as pas fait ton travail avant. Pense aussi que, comme en 68, tu te retrouveras à gazer et à matraquer tes propres enfants qui ne voudront pas vivre sous la coupe de ceux que tu défends aujourd'hui. Car ne te fais pas d'illusions, tu ne défends pas la République ou les institutions contre un peuple de voyous. La République et les institutions, c'est le peuple qui les défend en manifestant aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est dans la rue. Arrête de te faire complice des voyous qui ont confisqué le pouvoir au peuple. Arrête de mettre ton pouvoir de policier au service de la dictature devenue aujourd'hui bien réelle en France. Tu as le droit de réfléchir à ce que tu fais et à comment tu le fais. Enfin, c'est toi qui vois si tu veux te comporter en idiot décérébré qui obéit aveuglément aux manipulateurs ou si tu veux te conduire en policier conscient de sa mission auprès du peuple et de sa responsabilité devant lui. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.